Aujourd'hui, France Info, c'est une radio, une application, le site franceinfo.fr et une chaîne de télé sur le canal 27 de la TNT. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Il est 17h. Les infos, Lionel Thompson, bonjour. Bonjour. Après le choc, la riposte, les syndicats d'Alstom appellent tous à la grève le 27 septembre, dans deux semaines, pour s'opposer à l'abandon de la fabrication de trains sur le site historique de Belfort. Depuis l'annonce de cette décision par la direction d'Alstom la semaine dernière, le gouvernement essaye de trouver des solutions pour préserver l'emploi sur place. Les salariés d'Alstom Belfort ont reçu aujourd'hui la visite de l'ancien ministre de l'économie et candidat déclaré à l'élection présidentielle, Arnaud Montebourg. Pour lui, le gouvernement, contrairement à ce qu'il affirme, était au courant de la situation d'Alstom à Belfort. J'ai arraché au moment du rachat d'Alstom Énergie par General Electric la nationalisation partielle de 20% du capital d'Alstom, ce qui a permis à ce que deux hauts fonctionnaires du ministère de l'économie, d'ailleurs, deux hauts fonctionnaires que je connais, ils ont été mes collaborateurs, j'ai pour eux une très grande estime, ce sont des gens très sérieux, ils savaient, ils ont donc dûment informé leur ministre, et donc le président de la République et le Premier ministre, des menaces qui planaient sur Belfort. Et lorsque on est actionnaire de la SNCF, c'est le cas pour l'État, mais actionnaire de référence pour Alstom, quand on est des deux côtés, on sait tout. Et je crois que les multiples courriers qui ont été rendus publics de la part des élus du territoire de Belfort, les interventions des organisations syndicales démontrent que, à l'évidence, le gouvernement savait tout. Je regrette qu'il n'ait rien fait. Des propos recueillis par Sandrine Etoa-Andegue. Les élus du comité central d'entreprise d'EDF ont voté comme prévu aujourd'hui une expertise sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. L'arrêt de la centrale alsacienne est programmé pour 2018 avec une indemnité versée par l'État à EDF d'au moins 400 millions d'euros. Cette fermeture est une promesse de campagne de François Hollande en 2012, mais elle est dénoncée comme un non-sens économique et social par les syndicats qui appelaient les salariés de la centrale à faire grève aujourd'hui. Grève également dans les hôpitaux des infirmières et infirmiers. 5 d'entre eux au moins se sont suicidés pendant l'été. Les grévistes dénonçaient aujourd'hui les conditions de travail qui mettent, disent-ils, leur santé en péril. Écoutez le témoignage de Nadine, aide-soignante depuis 12 ans à l'hôpital de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, recueilli par Marie-Christine Loriol. Moi, j'ai pas choisi ce métier pour l'exercer comme on me demande de l'exercer actuellement. On est devenus des robots. Moi, en tant qu'aide-soignante, je ne fais plus des toilettes correctement. Je n'en ai pas le temps. On en vient, malgré nous, à faire de la maltraitance parce qu'on bouscule les gens, parce qu'il faut aller vite, il faut aller vite, il faut donner à manger, il faut tout faire à la fois, à savoir qu'on est deux pour 25. Des patients en fin de vie subissent le même sort. Ils devraient avoir des soins encore plus importants que les autres. On est proche du burn-out, on dit stop. Moi, j'envisage une reconversion professionnelle parce que je suis humaine encore et je craque, je culpabilise quand je rentre le soir. Je m'angoisse quand je pars le matin, je me bouscule tous les jours, mais profondément, au fond de moi, j'en peux plus. C'est plus possible d'exercer comme ça. On a besoin du renfort dans les équipes, c'est pas possible. Je veux dire, au passage en 12 heures, on est tombé à 2 aides-soignantes au lieu de 4. Pareil pour les infirmières, pareil pour toutes les équipes médicales, je veux dire. Et c'est pas possible de fournir le même travail. C'est pas possible. Une nouvelle arrestation d'un jeune de 15 ans soupçonné de vouloir commettre un acte terroriste. Le jeune a été arrêté aujourd'hui dans le 20e arrondissement de Paris, comme d'autres adolescents arrêtés récemment et le groupe de jeunes femmes arrêtées la semaine dernière. Il était en lien avec le djihadiste français du groupe État islamique Rachid Kassim via la messagerie internet Telegram. Les policiers l'ont repéré sur les réseaux sociaux. Le lycéen qui a poignardé et grièvement blessé une de ses camarades près de Villefranche-sur-Saône lundi a lui été interné en hôpital psychiatrique. Lors de son interrogatoire, il n'a pas été capable d'expliquer son geste. La victime, elle, est toujours hospitalisée dans un état grave. Au procès de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale, le procureur a requis aujourd'hui 3 ans de prison ferme pour l'ancien ministre du Budget. Il demande également 2 ans de prison ferme pour la femme de Jérôme Cahuzac et une amende d'1 875 000 euros pour la banque suisse Rail qui a aidé Jérôme Cahuzac à frauder le fisc. Le groupe américain Monsanto, célèbre et contesté dans le monde entier pour ses pesticides et ses OGM, va être acheté par un autre géant de la chimie, l'allemand Bayer. Le prix de cette acquisition est un record pour un groupe allemand, 66 milliards de dollars, soit environ 59 milliards d'euros. L'état de santé de Shimon Peres s'est légèrement amélioré aujourd'hui, mais reste grave. L'ancien président israélien et prix Nobel de la paix a fait un accident vasculaire cérébral. Hier, il est âgé de 93 ans. Et puis le Slovène Alexander Seferin est le nouveau président de l'UEFA. Il a été élu ce matin à Athènes par les dirigeants du foot européen et succède à Michel Platini, suspendu 4 ans par la FIFA à cause des affaires de corruption. On va à la bourse avec vous, Antoine Verlin, une bourse qui connaît une petite baisse ce soir. Eh bien oui, en effet, Lionel, le CAC 40 recule de 0,20%. Il est à 4378 points. Il s'achemine ainsi vers une cinquième séance consécutive de baisse. Les investisseurs attendent avec une certaine fébrilité la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine. La Fed aimerait bien relever ses taux, mais voilà, l'économie américaine a montré quelques signes de faiblesse au mois d'août. Donc, en attendant cette réunion, eh bien, les marchés sont plutôt enclins à la prudence. Côté valeur, Hermès est en baisse de 7,85%. Le groupe a pourtant réalisé un bon premier semestre, mais voilà, face à trop d'incertitudes, il a renoncé à chiffrer son objectif de croissance à moyen terme. Dans son sillage, LVMH perd 2,22%. C'est la plus forte baisse du CAC 40. À l'opposé, avec l'opinion d'un analyste, Sanofi gagne 1,08%. À Wall Street, le Dow Jones est en toute petite hausse de 0,20%. L'euro se négocie à 1,1260. Quant au CAC 40, je vous le rappelle, eh bien, il est en baisse de 0,20% à 4379 points. C'est Antoine Verlin, la bourse pour France Inter. Tous les samedis matins sur France Inter. Ok. À partir de 10h. Allez. On aura tout vu, le magazine de cinéma de France Inter. Christine Masson. C'est l'histoire d'un Corse qui débarque à Londres en 77 en pleine punkitude, rencontre Sting et Stewart Copeland. De 77 à 2016, l'itinéraire d'un musicien gâté. Laurent Delmas. Invité Henri Padovani, héros de Rock'n'Roll of Corse. En tout cas, moi, que je sois français, corse, italien, grec ou anglais, c'était pas ça le truc, c'était que j'étais un guitariste. Ces deux réalisateurs et le journaliste Olivier Cachin. On aura tout vu le samedi matin sur France Inter à partir de 10h. À samedi. Une Yaris hybride, t'as encore été augmenté? Ben non, mais pas du tout, elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Vos rendez-vous avec l'information, comme tous les soirs sur France Inter, à 18h, le journal de Florence Paracuellos, à 19h, le journal de Sébastien Paour. Tout de suite, si tu écoutes, j'annule tout. Bonsoir, oui. Charline. Oui, bonsoir, Lionel Thompson, mais voir les conditions en magasin, hein, sous réserve de disponibilité oui. de stock, important. Quand même. Hein, c'est on important, il faut sûr. Le rappeler. Merci, Lionel, pour ces informations. À bientôt. Voici comment nous avons préparé cette émission dans des conditions spéciales. Hein, parce qu'on a un invité spécial. Hein, pour une fois, on a préparé. Pour une fois, on a préparé. Et quand on prépare vraiment, ben, ça ressemble à ça. Salut les amis. Salut Charline. Voilà, attention, quoi, aujourd'hui, on ne reçoit pas n'importe qui. Oh, ah, ça va nous changer ça. Oui, enfin bon, on reçoit Jean-Luc S. Oh, ah, c'est qui? C'est l'ancien patron de Radio France, enfin. C'est un type formidable. Oui, quelqu'un qu'on aime énormément. Oui, quoi, mais c'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Touch, silence. Bah, Guillaume. Et Charline a dit silence. Voilà. Il y a pas de mais. Il y a pas de mais. Hein, il nous aura pas échappé que Nicolas Sarkozy remontait dans les sondages. Hein, alors, on sait jamais. La vie est pleine de rebondissements. Ah, vous croyez qu'il pourrait le replacer une deuxième fois? On sait jamais. Mais non, il écrit des livres tranquillement. Oui, bah ouais, il a pris sa retraite. Mais oui, il paraît qu'il fait des après-midi belote avec Daniel Mermet, oui. Yvan Levaille et Jacques Vendroux. Non mais il bosse encore ici, Vendroux. Ah bon? Bah, oui. Écoute, quoi qu'il en soit, je voudrais que Jean-Luc S parte avec un bon souvenir de l'émission. Oui, ouais, comme ça, quand il devra nous virer, il se dira, je virerai une émission sympa, quoi. Si Sarko repasse, on va avoir du temps libre entre 17 et 18, je vous le dis, moi. Ah bon, pourquoi? Le titre de l'émission, c'est quoi? C'est si tu écoutes Chanel Tour. Ah, oui, voilà. Le petit, il va pas écouter, mais il va annuler, par contre, c'est sûr. Mais c'est en lien avec Sarko, le titre. Pardon? Mais j'avais jamais tiqué. Mais enfin, Nathalie, ça fait plus de 2 ans quand même, là. Oh, il est jamais trop tard. Oui, donc on n'est pas obligé de faire de la lèche à Jean-Luc S. Si. C'est bon. Si, non, si. Mais on sera quand même gentils. Voilà, parce qu'on l'aime bien. Voilà, c'est quand même, quand on a commencé, il nous a laissé à l'antenne. Voilà. C'est vraiment pas ce qu'il a fait de mieux. Bonjour, la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui tricote l'actualité. Et voici les trois infos dont tous les points à l'endroit vont finir à l'envers à 18h. Hillary Clinton va mieux. Elle reprend la campagne dès demain. En tout cas, elle a rendu service aux Américains en leur déconseillant de consulter son pneumologue. Comment est-elle, docteur ? Elle est toujours dans le même état. Elle réclame sa petite fille. C'est la phtisie à son dernier stade. Et maintenant, ça risque d'aller vite. Avec tous ces candidats lancés dans plusieurs primaires en France, est-ce que ce ne sont pas les sondages qui vont finir par choisir notre futur président ? Ça, c'est la caricature. Mais vous avez raison, vous avez raison. Les conservateurs de musées rêvent d'exil artistique. Plusieurs sont parti diriger des musées aux États-Unis, ce qui pose la question de la différence de méthode, par exemple pour dénicher des œuvres. Qu'est-ce que c'est ? C'est la foire aux puces. Ah oui, c'est là où on trouve des Rembrandts pour pas cher, ensuite on les revend à la Merlot et on n'a pas perdu sa journée. Et moi je suis accompagnée de celui qui prétend être une œuvre d'art dans son spectacle, mais aucun musée ne l'a encore réclamé. Alex Vizorek. C'est pas faux, bonjour Charline Wagenacker, et aujourd'hui, comme on n'a pas n'importe qui, je vous ai pas mis n'importe quelle équipe, que du beau monde, 17h20, si la bien-pensance avait un ennemi, ce serait lui, de là à dire qu'il pratique la maldisance, il y a un pas que je ne franchirais pas. Bonjour Pablo Mira. Bonjour Alex. De quoi va-t-on parler ? Eh bien aujourd'hui on va parler d'une bonne nouvelle, pour changer, je vais vous parler de la trêve en Syrie à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Voilà cette fine lueur d'espoir et d'humanité. Et on me dit que la trêve, c'est fini. Voilà, donc on va parler de télé. Voilà, tiens, voilà, on va parler télé, c'est bien ça. 17h30, certains tournent 7 fois leur langue dans leur bouche avant de répondre. Lui pose sa question avant qu'il n'ait eu le temps d'entamer le premier tour, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je me suis rendu hier soir à une réunion publique sur la construction d'un centre de réfugiés dans le 18e arrondissement de Paris. Des riverains m'ont parlé des différentes vagues d'immigration. Après on a eu les Algériens, il y en a très bien. Oui, il y en a des biens, des Algériens, c'est l'info du jour. Et à 17h40, elle, c'est une assoiffée de littérature. Bonjour Juliette Arnoux. Oh, oh, je m'en sors bien aujourd'hui. Oui, de quoi on parle ? On parle de quelqu'un qui a une pneumonie, mais qui devrait ne plus avoir de pneumonie à partir de lundi. Très bien. Et peut-être un lien avec l'entité qui est ? Peut-être. Oui, car voilà pour ceux qui présentent, quant à celui qui préside. Cette émission va lui faire l'effet d'un Paul Bocuse qui retournera en cuisine éplucher les patates pour rappeler ce que ça fait. Puisque vous avez été président de Radio France, vous êtes... Jean-Luc S. Nul n'est parfait. Ah, voilà. Jean-Luc S. Sur France Inter, Charline Wagenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Jean-Luc S. Bonjour. Cette voix. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, parce qu'on en a piqué plein à Europe 1. Oui, pareil. Vous avez été journaliste sur cette antenne, vous avez présenté notamment l'émission Synergie, vous avez été correspondant à Washington, d'où aussi cette biographie d'Hillary Clinton. Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique. Il est beau, le livre. Oui, très beau. Édition Baker Street. Achetez-le vite du coup, c'est pas ce qui peut se passer. Ne lisez pas, mais achetez-le. Il y a même des images à l'intérieur avec des photos d'Hillary, sa jolie biographie. Hillary Clinton, que vous avez rencontrée lorsque vous étiez correspondant pour cette antenne à Washington. Hillary Clinton qui, visiblement, vous a séduit au point de faire une bio. Je vois déjà que vous n'avez pas lu le livre parce que je dis la première phrase, c'est « Je ne connais pas personnellement Hillary Clinton ». Si, vous racontez, vous l'avez vu deux mais fois. Oui, je l'ai vu deux fois. Enfin, on ne l'a pas lu parce que le livre est beau. On est resté devant en admiration devant la couverture. Il faut le colorier. Mais non, c'est quelqu'un que je n'avais pas envie d'aller passer mes vacances avec Hillary Clinton. C'est pas sa qualité première d'être charismatique, et etc., etc. Mais cette femme, elle m'a beaucoup étonné parce qu'elle était... D'abord, c'était une jolie femme. C'est toujours une jolie femme, mais c'était il y a 15 ans. Donc, je lui trouvais un petit côté Sharon Stone, si vous dire, si où ça va se loger l'affection. Et puis, je l'ai trouvée très attentive. Et il y avait... C'est compliqué, le compagnonnage avec des journalistes qui posent toujours des questions un peu stupides, enfin, assez souvent. Et donc, moi, je fais partie du lot. Et j'ai trouvé que cette femme avait une capacité d'écoute. Elle était totalement différente de ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire quelqu'un de froid, même assez rigolote, j'avais trouvé. Et en plus, j'ai une fille, il se trouve que j'ai une fille qui est américaine, qui vit dans le Bronx, enfin à côté, et la pauvre petite. Et donc, elle me dit, parce qu'elle se renseignait beaucoup avant les interviews, pour savoir à qui elle avait affaire. Donc on parle un peu, j'avais été correspondant 10 ans, etc. Et puis, elle me dit, comment va votre fille Ilona ? Alors là, elle m'a bluffé, là. Et moi, dès qu'on me parle de ma fille, bon... mes résistances se faiblissent. Les renseignements ont bien travaillé, vous voulez dire. Oui, la NSA, ça fonctionne elle bien. Elle avait un bon éditeur, manifestement. Et elle m'a dédicacé le livre pour ma fille. Et donc, j'étais très sensible à ce petit geste que j'ai pris pour de l'affection ou de l'attention. Oui. On sent que les deux fois où vous l'avez croisé, ce fut relativement bref, mais ça vous a fait de l'effet. Mais, ça mais si Donald Trump, vous disait la même chose. Qu'il aille se... Non, il ne sait pas écrire, il n'a jamais lu un livre. En plus, il ne risque pas de dédicacer un livre. Il aille se faire aimer ailleurs. Voilà. Voilà, exactement. Alors, vous décrivez dans cet ouvrage, bien sûr, l'animal politique, aussi une bête de communication, une habileté, une longue expérience du pouvoir aux côtés de son mari. Et puis, depuis son premier poste, le premier poste de Bill Clinton en Arkansas d'ailleurs, et si j'ai bien compris votre livre, Hillary Clinton, elle a déjà fait deux mandats, voire plus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'en réclamer un troisième ? Ben, c'est une toute femme. Sa vie, elle a exercé presque. Oui, mais justement, vous savez, on a du mal, quand on, moi je me rends compte, quand on a exercé toute sa vie, c'est assez compliqué d'aller promener son chien après tous les jours. Voilà, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Sauf qu'elle, elle a eu elle affaire. Elle a de l'ambition. Oui, et puis surtout, ça a été terrible. C'est presque, elle n'est pas un peu maso, parce que quand on lit tout ce qui lui est arrivé, parce qu'on a découvert certains traits de caractère, les on va dire. Les travers de Bill. De oui. Bill, mais qui existent depuis le début et qu'il a déjà fallu étouffer, plus les complots, on mais a non, tout dit sur elle. C'est ça qui est formidable chez cette femme. Elle cite toujours Mandela. D'ailleurs, je me suis empressé de citer Mandela tout de suite dans le livre. Et Mandela dit, c'est pas le nombre de mes succès qui compte, c'est le nombre de fois où je suis tombé et le nombre de fois où je me suis relevé. Et je le mets sur Facebook. Et elle est exactement... Ouais, vachement bien, ça. On va faire des t-shirts, on va faire des trucs. Mais ça vaut pour tout le monde, hein, je vous signale, pas seulement pour Hillary. Mais ça lui va comme un gant parce que cette femme, depuis 45 ans, se bat et elle se battra toujours, c'est ce que j'aime. J'aime pas les gens qui laissent tomber, qui sont... Elle, c'est une battante. Et en ce moment, par exemple, elle a un poumon par terre. Enfin, mais ça va se relever, tout ça. Mm-hmm. Et ça n'empêche pas, demain, elle sera encore sur la campagne et elle gagnera. Ah. Oui. Oui, elle gagnera. J'aime Hillary, au fond. Je crois que oui, ça se sent. Hein, ça, vous pouvez pas le, quand on lit, vous ne pouvez pas le cacher que vous l'aimez. Non, mais de toute façon, je l'aimais proportionnellement plus encore en fonction de la bête qui est en face. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, Donald Trump m'a beaucoup aidé à apprécier Hillary Clinton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi obligé de l'aimer, même si on peut considérer que c'est la candidate de l'establishment, comme on dit, etc. Elle va sauver mon futur, quoi, je crois, et celui de ma fille, par exemple, qui vit aux États-Unis quand même. Donc, Dans le Bronx, la pauvre. À côté. Je supporterai pas que ce ne soit pas Hillary Clinton. Donc, je ne suis pas objectif. Vous le savez, c'est OK avec vous. Ça. Oui, on ne vote pas. Être objectif, on n'est pas sur une radio objective non plus, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ça a bien changé. Donc, si vous voulez découvrir Hillary Clinton ou l'aimer encore plus, on vous conseille Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique. C'est paru aux éditions Baker Street de Jean-Luc Hesse et on va y revenir avec le premier sujet. Et en attendant, tiens, ça lui irait bien à Hillary Clinton, sa Miss Dynamite, sur France Inter. I'm the same little girl who grew up next door to you. Went through all the things a teenage girl goes through. Hanging out all night and breaking my curfew. When my daddy hit the dough, I gave my mama the blues. Used to spend my time days and days and days away. But I was grown up, told my 15, didn't want to obey. Had to get my act together, couldn't take the heat. And now I'm making peace with the streets. I'm Miss Dynamite. Galaxy. Sur France Inter, vous êtes... Oui, il a pas de risque. Appréciez mon mi bémol parce que je le chope pas tous les jours. Des fois, je suis un peu en dessous, profitez-en. Il est 17h20 et nous sommes en compagnie de The Voice of the Radio. Jean-Luc Hesse est avec nous. Il publie Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique aux éditions Baker Street. Et Alex ? Eh bien, il y a du Guillaume Meurice, il y a du Juliette Arnault et Pablo Mira qui poussera évidemment son coup de gueule de la semaine. Voilà. En attendant, Jean-Luc Hesse, vous allez prendre une leçon de journalisme. Attention. Voilà. Merci. La plus belle arme, c'est la sincérité. Le journal de presque 17h17. Nous allons installer le printemps dans ce pays. Et on commence par les titres. Le procès Cahuzac. Le procureur demande 3 ans de prison pour Jérôme Cahuzac et 2 pour son ex-épouse. Voilà Michel Rocard quand elle lui a pris perpétuité. Lille, l'extrême droite identitaire ouvre un bar dans le centre-ville. Ah bah on y servira que du blanc. Non, on y servira que des blancs. Ah oui, c'est vrai, pardon. Voilà. Il y aura aussi l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs et nous serons en compagnie d'un militaire. Oui, et des brèves où il y aura des gendarmes. Et on commence par la présidentielle. Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, a annoncé ce matin que Hollande sera candidat à la présidentielle en 2017 et qu'il y croit. Nous vous rappelons qu'en temps de grosse chaleur, pour garder l'esprit frais, n'oublie pas de boire beaucoup. Passons à droite. Éric Ciotti veut rétablir le service militaire alors que d'après les informations du Canard enchaîné, il a été pistonné pour échapper aux siens. C'est tellement ironique, c'est comme si le ministre du budget avait fait de la fraude fiscale. Donc c'est sûr que Ciotti ne fera pas un grand ministre des armées. Hein. Je vous rappelle que Roselyne Bachelot a été ministre des sports. C'est juste. Alors, sans transition, oui. Lors de son procès, Jérôme Cahuzac a assuré n'avoir pas menti à François Hollande. Exact, et c'est le gros problème. Hein. C'est quand Jérôme Cahuzac commence une phrase par « je n'ai pas menti à », ça met les juges dans une position délicate. Économie, avec oui, Bayer, l'entreprise pharmaceutique qui rachète le géant des semences Monsanto. Mais oui, pourquoi chercher à soigner les maladies liées aux OGM alors qu'on peut contrôler la source et celle qui on saura guérir? Très bonne idée de la part de Bayer. En transition. La semaine dernière, s'est tenue à Paris la première conférence internationale sur les résidus de médicaments dans l'environnement. Mm-hmm. Et on trouve notamment dans nos rivières des traces importantes d'anti-inflammatoires et d'antidépresseurs. Des anti-inflammatoires et des antidépresseurs. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand t'attrapes une truite, bon, elle a moins mal, mais la mauvaise, c'est que comme elle n'arrête pas de sourire, pouf, elle ne mord plus, l'hameçon. Lille, l'extrême droite identitaire, ouvre un bar dans le centre-ville. Donc ce sera, en fait, c'est un bar expressément ouvert pour qu'on y puisse y tenir des propos racistes, quoi. Au comptoir, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est quoi la différence avec les autres bars? C'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc passons à l'interview dont on est certain que vous n'aurez pas entendu ailleurs. Alex, vous avez à vos côtés le général Fabre Espigas de la région PACA. Oui, bonjour général, que faites-vous aujourd'hui? Bonjour, bonjour à vous. Bah, écoutez, j'attends. Pardon, vous attendez, mais depuis combien de temps? Ah ben là, j'attends depuis 1991. Depuis 91, mais vous attendez quoi? Ah ben j'attends un certain Éric Ciotti. Ah oui, bah oui. Oui, je m'occupe de lui faire passer le service. Ah bah oui, bah il viendra pas. Oh putain, j'ai été sûr. Putain, j'en peux plus de l'antimilitarisme. Ah non, mais non, c'est... Non, mais c'est encore un gaucho peace and love là, qui fume des joies au concert de Manu Chao. Non, c'est pas le genre. Non, en tout cas, c'est pas un bonhomme. Oui, voilà, enfin, avec trois gardes du corps, je peux vous dire qu'il a l'air viré. En l'occurrence, il est pour le retour du service militaire. Pardon? Oui, enfin, il pense que c'est une bonne idée de faire son service militaire. Bon, écoutez, vous savez quoi? Dites-lui de passer, là. Laissez-le moi 3 jours, et quand je vous le rends, il pensera plus que c'est une bonne idée, croyons-moi. Bah, très bien, belle journée à vous. Ouais, bah, de toute façon, comme j'attends, moi, je continue. Par de brève. Aux assises des Bouches-du-Rhône, un retraité est jugé pour avoir tué sa femme. Le motif, il voulait faire des économies. Et oui, et à mon avis, c'est une idée que Jérôme Cahuzac aurait dû avoir aussi. Et puis la dernière brève, Alex. Oui, Angoulême, ivre, il se fait passer pour un policier et tente de contrôler 2 gendarmes en civil. Bon, mais ben, pourquoi c'est drôle? Ben, c'est drôle parce que c'est le faux gendarme qui est ivre, c'est quand même marrant ça. Ouais. J'avais pas. Bah si, c'est pas arrivé juste. Allez, bref, laissez-moi faire, hein, je sais. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Merci Alex. Allez, nous sommes avec Jean-Luc Hesse aujourd'hui. On va aborder le premier sujet. Mais what the fuck with Hillary? Hein? Voilà, ces communicants ont évoqué d'abord un coup de chaud, alors que 2 jours avant son malaise aux commémorations du 11 septembre, eh bien, son médecin a diagnostiqué une pneumonie. Résultat, pour une fois, on n'entend plus Trump, et c'est bien ça le plus inquiétant. Enfin, c'est le plus inquiétant aussi avec le médecin d'Hillary tout de même. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et à rigueur, une moitié de biscuit. Une moitié de biscuit matin et soir. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pouvait croire et Je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise. Et nous commencerons le traitement. Louis Jouvet dans Knock en 1951. Alors, Jean-Luc Hesse, à la lecture de votre livre, avec tout ce qu'elle a traversé, on se dit, mais est-ce que Hillary Clinton, c'est finalement pas la mieux placée au monde pour savoir que dans ces cas-là, il vaut mieux dire la vérité tout de suite, avec son expérience? Justement, l'expérience avec la presse. Et je crois qu'elle n'était pas trop fanat dès qu'on en donne un petit bout. Dès que je parle d'Hillary Clinton, hein, ça devient comme si elle avait Parkinson, cancer du foie, etc., etc. Donc je crois qu'elle a voulu garder son affaire un peu discrète. Après tout, une pneumonie, ça s'arrange assez facilement. Et puis, quand même, quand vous imaginez les 15 derniers mois de la vie... Moi, j'ai suivi 3 campagnes présidentielles aux États-Unis. J'étais sur les genoux, quoi. J'étais cassé, épuisé, je ne savais même plus où j'habitais. J'écrivais le nom de la ville où j'étais. Comme Johnny. Bonjour, Saint-Étienne. Non, mais sans blague, non, c'est... franchement, c'est un tourbillon extraordinaire. Donc, ouais. Cette femme qui a 69 ans, ce n'est pas un perdreau de l'année, elle vient de s'offrir tout ça. Elle a bien le droit à un petit coup de pompe, quand même. Mais... tout est bon dans le cochon. Et dès que c'est une rumeur sur l'état de santé de Hillary Clinton qui court depuis des années et des années, et c'est vrai que cette femme a eu des accidents de la vie, mais petit, moi je la trouve vachement en forme. Enfin, je suis désolé, mais elle se remet. Bon, elle a un peu buté avant d'entrer dans la voiture. Je suis pas très objectif. Mais voilà, c'est nous rien. Nous sommes quoi. Avec demain, Jean-Luc debout, S., porte-parole d'Hillary Clinton. Je m'en honore, mademoiselle. Je m'en honore. C'est oui. Ça ou. Alors. Hein, la bête. Le prince de la nuit. L'équipe de communication. On n'avait pas imaginé qu'un amateur, non, avec tous plus. Les smartphones, puisse filmer la défaillance. Non, mais tout de même, il ne faut pas charrier. Je reviens sur mes amis des médias. Vous vous rendez compte, pendant 90 minutes, elle est allée se réfugier chez sa fille. Elle n'a rien dit. Et elle n'a pas accepté qu'un reporter vienne chez sa fille Chelsea alors qu'elle était en train de récupérer. Dans un pays comme le nôtre, ça serait absolument impossible. Vous vous souvenez des bulletins de santé de nos chers dirigeants? Oui. On se fout du monde, quoi. Donc j'aime bien les journalistes américains, c'est les meilleurs du monde. Mais est-ce qu'il faut en faire un tel plat? Et moi, je pense que, connaissant un petit peu la vie d'Hillary, à chaque fois qu'elle est victimisée, elle s'en sort. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui rebondit, qui tombe, qui rebondit. C'est pas une balle de mousse, mais je pense que plus on l'agresse, mieux elle va se porter. De toute façon, il faut battre la bête. Hein. Vous vous souvenez même de ça? Soyez responsable un peu. Ouais, et même vous Nicolas militer, Sarkozy quoi. A fait un malaise pendant son jogging. Alors, ça, c'est quand alors, même le maître étalon. Ça, ça en dit long. Dire, vous avez vu un peu la forme olympique 2 heures après. Voilà. La preuve, il m'a nommé. Un truc qui m'a surpris, les journalistes américains, ce sont les meilleurs du monde. Oui. Parce que parce que j'ai passé 10 ans, j'ai regardé travailler, j'ai passé 40 ans ici à les regarder travailler. Non, parce que nous, quand on voit les images là-bas, on a l'impression que c'est du plus que BFM non, Télé. Non, mais alors, ça a changé depuis les attentats du 11 septembre, ça c'est sûr, parce qu'il y a eu une espèce de censure personnelle qui a joué dans le mauvais sens dans la presse américaine. Mais tout de même, aller à une conférence de presse, aller dans le corps de la Maison Blanche, à la salle de presse, vous allez voir, c'est autre chose que les vœux de nouvelle année à l'Élysée. Non, mais nous, on a plus jadès quand même. Oui, vous avez plus jamais, justement. Mais justement. Donc, on va arrêter là parce que j'ai assez d'ennemis dans la profession. Mais je vous dis que ce sont de très, très bons professionnels. Et encore un autre point à ce sujet, il y a une exigence de transparence absolue réclamée à Hillary Clinton et rien pour Donald Trump. Parce qu'on s'en fout qu'il crève. Oh, pardon, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Voilà, c'est vous qui m'entraînez. Non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il a l'air en forme, à part que la couleur de ses cheveux peut. Ouais. Ah, voilà. Alerter quand même sur l'état de santé intérieur. Je ne sais pas. Enfin, il débite tellement bouffé, de mensonges qu'on ne prend même pas la peine oui, de lui réclamer mais cette transparence. C'est un des problèmes de la presse. Elle est fatiguée, la presse. Elle est fatiguée de Trump. Donc, il peut dire n'importe quoi. Son speech à la convention à Cleveland, ça a duré 76 minutes. Il y a Castro qui fait plus. Enfin, qui faisait plus. Il y avait 21 mensonges dedans. Et les types, fast-checking, maintenant tout le monde a ça, donc on sait qu'il a dit 21 bêtises, enfin mensonges contre vérité. Maintenant on se contente de les compter. Et on se contente de les compter, mais on lui dit pas, dites donc, Polo, vous auriez pas une explication pour avoir dit 4 fois tout et le contraire en une heure. Quoi. Pour donc, éviter de se refatiguer un peu. Il plus. Les a fatigués. Non, mais il les a tués, quoi. Oui. Et bon, pourvu qu'il ne les ait pas jusqu'au bout de cette manière. Alors, pour équilibrer cette émission, hein, et avant que le CSA nous réclame une minute réac, puisque, pour équilibrer, on passe à l'édito de Pablo Mira. Pablo, vous revenez aujourd'hui sur la rentrée télé qui est définitivement lancée, ça y est. Oui, alors, Charline, pour préparer cet édito, j'ai passé une semaine à regarder la télévision. J'ai vu des choses géniales. Non, je le dis, j'ai vu des choses géniales, c'est un coup de cœur. J'ai vu des talk-shows hilarants. moment, de l'info percutante, des fictions exceptionnelles. Bon, et puis hier, je suis rentré en France. Mais même ici, Jean-Luc, eh bien, je dois le dire, j'ai été séduit parce que les chaînes télé proposent cette année, notamment par les après-midi de France 2. J'ai adoré parce que voilà, ça m'a permis de découvrir des nouveaux visages et puis des nouvelles émissions très intéressantes, notamment sur TF1 et M6. On l'a vu dans la presse, sur les réseaux sociaux, voilà, il y a eu des remarques très dures à propos de ces nouvelles émissions. Moi, je le dis, j'ai trouvé ça extrêmement cruel. Il ne faut pas oublier qu'en coulisses, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dessus et qui ne désirent qu'une seule chose, leur libération par leur aide. Alors, c'est vrai, oui, les audiences de France 2 ne sont pas au rendez-vous. Elles ne sont pas là, mais ça va peut-être changer. En tout cas, c'est ce qu'espère Stéphane Bern qui a expliqué ceci. Il y a de nouveaux programmes, donc les gens sont un peu déroutés peut-être au début. Mais il faut qu'ils s'habituent à nous. Voilà, il a raison. Hein, il faut que les gens qui ne regardent pas ces émissions s'habituent à des émissions qu'ils ne regardent pas. J'aimerais m'arrêter un instant sur Amanda. Amanda, voilà, émission sur France 2 qui a plus de lettres dans son nom que téléspectateur. Alors, on a entendu des choses. Hein, oui, je sais pas quoi, c'est une pâle copie du Ellen DeGeneres Show aux États-Unis. Et là, moi, je suis pas d'accord. Voilà, hein, déjà, c'est faux. Si c'était une pâle copie, ça attirait déjà deux fois plus de gens, sans doute. Et en plus, excusez-moi, mais Hélène DeGeneres, elle, n'aura pas Bernard Montiel en invité. Non, voilà, moi, je trouve, je le dis, c'est hyper sympa d'avoir fait venir Amanda Scott. Elle est sympa. Elle a démarré sur France 4. D'ailleurs, voilà, elle n'est pas venue toute seule, puisqu'elle est aussi venue avec le budget d'une émission de France 4, c'est-à-dire, grosso modo, le prix d'une location d'un château gonflable à la demi-journée. Donc voilà, un bon point pour Amanda Scott. Et puis surtout, Charline, surtout un bon point pour... Frédéric Lopez, Frédéric, je suis accro à son énergie, je suis accro à son programme plein de témoignages saisissants et pudiques, comme par exemple, voilà, quelques-uns, j'ai survécu à un cancer du sida grâce à l'amputation de mes trois jambes, ou encore, voilà, celui-là, je suis devenu champion de badminton après m'être fait greffer du chorizo à la place du visage. J'oublie pas évidemment les émissions de Canal+, hein, on l'a vu, alors les programmes de la chaîne ont été... C'est pas drôle, Alex. Hein. Les programmes de Canal+ ont été très critiqués, mais voilà, c'est pas si grave, puisque le directeur des antennes du groupe Canal, hein, Gérald Brice machin là, il a dit texto, pour Canal+, l'audience n'est plus le sujet. Et c'est vrai, pourquoi essayer de faire des émissions abrutissantes vues par des millions de gens quand on peut faire des émissions abrutissantes vues par personne? Alors moi, ce que j'ai retenu dans les bonnes émissions de Canal, voilà, il y a quand même le petit journal Nouvelle Version. Alors certains disent, voilà, on voit trop Cyril Eldin. Je veux dire, c'est pas vrai, j'ai fait le calcul. Sur 22 minutes d'émission, Jean-Luc, sur 22 minutes, il n'apparaît que 43 minutes. Et si vous ne supportez pas Cyril Eldin sur une durée aussi courte, imaginez ce que ressent Emmanuel Macron qui passe toutes ses vacances avec lui. Alors voilà pour ce petit tour d'horizon de la rentrée télé. Pour conclure, voilà, cet édito, j'ai conscience qu'après ce que je viens de dire, voilà, ça va être un peu compliqué, hein, de bosser dans les médias. Donc, pour ma prochaine chronique, je vous donne rendez-vous samedi prochain au magasin Jiffy de Compiègne et dimanche au Lidl d'Étretat, rayon lessive. Adieu à tous. Merci Pablo Mira. Mais écoutez la radio, c'est beaucoup mieux. On est en compagnie de Jean-Luc Hess et à venir Guillaume Meurice, qui lui non plus ne sera pas engagé en télévision avec tout ce qu'il dit. Oui. Madame Schindling. Bah, il l'a dit plein de fois. Sûr, c'est Tenta. Oui, bah, écoutez, excusez-moi, on ne sait jamais. Moi, j'aime bien préciser pour les gens qui aiment la playlist France Inter. Et moi. Et rendre hommage au travail de notre programmateur musical, Djoubaka, qu'on salue. Car on est toute une équipe. Hein, je rappelle quand même Nathalie Romero, Sarah Masson, Irène Menahem à la préparation de l'émission, Benjamin Riquet à la réalisation, à la technique aujourd'hui, Kevin Pelot. Et autour de la table, Alex. Et autour de la table, il reste à travailler Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Pablo Mira, lui est déjà viré des médias. Je peux la refaire. Hein. Je peux la refaire. Jean-Luc Hess est avec nous. Il publie Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique, paru aux éditions Baker Street. On va reparler des Ricains, des Yankees. Et avant cela, l'Indien de l'équipe, Guillaume Meurice. Oui, Charline, mais écoutez, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui. Ne troublez pas ma phrase de Michel Rocard. Hein. On la connaît, la France ne peut pas accueillir la misère du monde. Disait donc Michel Rocard juste avant de sniffer un rail de coke entre les seins d'Arlette Chabot. Je le sais, c'est Jérôme Cahuzac qui me l'a dit. Donc l'info est tout à fait vérifiée. Et ben, je vais donc vous parler misère du monde aujourd'hui, puisqu'hier soir, à la mairie du 18e, se tenait une réunion publique qui concernait l'ouverture d'un centre d'accueil pour les réfugiés. Les débats étaient de haute tenue, hein, comme vous pouvez l'imaginer, avec des arguments pertinents. Petit extrait, les migrants, ce sont des gens comment ? C'est des gens qui ont l'habitude de vivre à l'air. Ils vont donc sortir du centre. Non mais dans leur pays, ils vivent beaucoup d'heures. Et chacun va sortir et on va avoir des milliers de migrants, Porte de la Chapelle. Mais bien sûr, parce que le migrant vit dehors. On le sait, c'est une espèce qui est habituée au grand air, hein, qui a besoin d'espace. Le migrant vit très mal en appartement. Sachez-le, si vous adoptez un migrant, même si vous mettez un petit arbre à migrant pour qu'il fasse ses griffes, bah non, ça ne marchera pas. Non, il a besoin de retrouver son milieu naturel, le migrant, hein, de batifoler, c'est comme ça. C'est un bon argument. Alors, est-ce qu'on en a d'autres ? Qu'est-ce que ce monsieur pense du centre d'accueil ? Mes impôts fichent le camp, là. Ah mince. Non. Vous n'êtes pas content que vos impôts servent à aider les gens ? Si, mais pas n'importe qui, dans n'importe quel ordre. Ah, alors expliquez-moi ça. J'ai fait la guerre d'Algérie, soi-disant, en maintien de l'ordre. Ah oui, hein ? Médaille du saucisson Mireille et tout le trafic. La médaille du saucisson Mireille ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir cette médaille ? Rien, j'ai eu un coup heureux. Ah bah tu m'étonnes. Alors, la médaille du saucisson Mireille, ça se mérite quand même. Alors, un coup heureux pendant la guerre d'Algérie, c'est plus proche d'une ratonnade que d'un concert de Faudel. Hein. Ça fait saigner, mais pas que des oreilles. Alors, la guerre, il en est toujours question aujourd'hui avec les migrants qui fuient celles qui touchent leur pays. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça, cet autre participant ? Les années, ils se sont battus. Mon frère qui s'est battu, il a 97 ans aujourd'hui. Ils sont restés, ils sont pas partis. Pendant la Seconde Guerre mondiale ? Eh oui, ils sont pas partis, ils sont restés. Mais on a été libérés par des étrangers ? Mais oui, on a été libérés, mais quand on aime son pays, on y reste. Bam ! Prends ça dans la gueule, le général de Gaulle, espèce de grosse chiotte qui a fui chez les Anglais, le scandale. Bon, heureusement que les Américains nous ont pas laissé nous démerder, hein, parce que sinon on serait sur Adolf Hinter et Bruno Gollnisch présenterait « Si tu déportes, j'annule tout ». Et ça aurait marché, hein, c'est ça, le pire, ça aurait marché quand même. Et puisqu'on parle de ce qui marche, tiens, rappelons que selon toutes les études, hein, l'immigration rapporte de l'argent au pays accueillant. Qu'est-ce qu'il en pense, ce monsieur ? Oui, c'est eux qui le disent. Bah, c'est des économistes ? C'est eux qui le disent. Nous, par contre, on en donne énormément. Hein, moi, je suis retraité et je peux vous dire que je paye. Mais si ça se trouve, sans immigration, vous en donneriez encore plus ? Je n'en sais rien. Ah. Ça, je n'en sais rien. Et si on vous disait que c'était le cas ? Est-ce que vous seriez favorable à l'immigration ? Non. Ah, quand même pas ? Non. Ah bah pourquoi alors ? Non. Chacun chez soi. Voilà, c'est donc pas un problème de porte-monnaie, hein, c'est une question de chacun chez soi, on est d'accord. En plus, nous les Occidentaux, on est sympas, on leur a fait des frontières quand on était chez eux, ils ont qu'à rester chez eux, et puis c'est tout. Ça nous inquiète quand même de les voir arriver. J'ai trouvé d'ailleurs une dame très très inquiète, hein, pourquoi ? J'ai dit je suis très inquiète, c'est tout. Mais pourquoi ? Pour les migrants, c'est tout. Ah, pour les migrants ? Bah oui. Puis pour autre chose. Bah pourquoi ? Bon, mais c'est... Non. C'est dans mon fort intérieur. Oui, mais j'ai pas compris si vous étiez inquiète parce qu'il y allait avoir des migrants ou vous étiez inquiète pour le sort des migrants. Oh, écoutez, moi je suis près de la tombe hein, et j'ai ma réservation. Bon, elle a sa réservation pour la tombe. C'est tranquille. Hein, ça libère un appartement. Et ce qui lui fait en plus un point commun avec tous les peuples qui fuient la guerre. Elle a une bonne raison d'être inquiète du coup. Mais c'est vrai qu'on pige pas bien son opinion sur le centre d'accueil. Alors j'ai continué la discussion sur les réfugiés. Moi je quitte la station de métro. J'arrive à mon immeuble. J'en croise 10. Tous les matins, quand je vais faire le marché, je vois la même personne. Ma tante les appelait les traîniers. Maintenant, on dit des Roms. Ah, on commence quand même à voir se dessiner le début d'une opinion. Ah, on se dit, tiens, c'est possible qu'elle soit plus Éric Zemmour que Mère Teresa. Alors, on n'est pas vraiment là sur le sujet du centre d'accueil. Hein, elle est un petit peu perdue. Qu'est-ce qui se passe, ma petite dame ? Mais j'ai rien compris. Ah, vous n'avez pas compris le débat ? Écoutez, l'autre jour, je les ai rencontrés, les migrants. Ah, et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je les ai vus. Et alors ? Ben, ils sont montés dans un autobus. Ils sont descendus une station après. Ouais. Il ne pouvait pas marcher. Ont-ils payé, ça c'est autre chose. Et voilà, le migrant est feignant et voleur. Et ça, on le sait, mais comme il vit dehors, voilà, il a qu'à se pencher dans les portefeuilles des passants. Hein, tiens, puisqu'on parle de ça, est-ce qu'elle a déjà volé, cette dame? Moi, je n'ai jamais volé à ce niveau-là. Moi, à part le code civil, j'ai rien volé. Ah, vous avez volé le code civil? Monsieur. Comment ça se fait, ça? Racontez-moi ça. Je dis pas ça à tout le monde. Bon, je crois qu'elle aurait surtout dû voler la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle aurait mieux fait de la lire. Tout comme on devrait lire en entier, d'ailleurs, la phrase de Michel Rocard, qui est « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre fidèlement sa part, parce que pour le moment, on est loin du compte. » Guillaume Meurice, merci de remettre la mosquée au milieu du village. Vous êtes sur France Inter. On va encore le traiter d'islamo-gauchiste. Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Hess. Et tiens, grâce aux multiples primaires organisées par les partis et aux multiples candidats qui participent en France, on sabre déjà le champagne dans les instituts de sondage. Ça va être festival, évidemment. Dans le fond, ça fait partie du folklore. Bonjour, bienvenue au débat de la 5. Merci de votre fidélité. Avant de commencer cette émission, je vais vous donner le résultat du sondage d'hier. À la question « Quel temps fera-t-il demain ?», vous avez répondu oui à 46%, non 52% et sans opinion 2%. Les inconnus, bien sûr. Alors, Jean-Luc, est-ce quand on a couvert comme vous plusieurs élections américaines avec des primaires, évidemment, est-ce que les primaires Made in France, qui sont largement inspirées des américaines, ça vous fait doucement marrer? Non, rien ne me fait marrer, c'est des choses sérieuses, tout ça. Il y va de l'avenir de la planète, de notre petite planète France. Ouais. Mais bon, il y a tellement de différences, c'est-à-dire que... c'est un très bon système, les primaires, mais il ne faut pas en abuser, c'est comme le pinard, quoi. Et donc, en France, j'ai l'impression qu'on abuse un peu du truc, on n'y comprend plus rien. Et là, les sondages vont jouer, effectivement, parce que les primaires sont devenus le premier tour des présidentielles. Donc, c'est un petit peu embêtant. Il faut donc arriver au second tour. Donc, c'est sûr que le sondage, là, il va jouer beaucoup, il va faire l'opinion. Mais aux États-Unis, les sondages, déjà, les sondages nationaux ne veulent rien dire. Il y a 50 États... Et donc, il faudrait faire des sondages dans 50 États, puisque ce n'est pas vraiment un vrai suffrage universel. C'est des grands électeurs, il y en a 538, je crois, qui choisissent après le président. Et il arrive qu'il y a un président qui n'ait pas le vote populaire. Par exemple, qui n'a pas la majorité du vote populaire, il a la majorité des grands électeurs. Donc il y a de quoi perdre les sondages avec le système. Voilà. Mais donc, en ce moment, il y a des tas de sondages qui tombent. D'ailleurs, ils ont un taux de, comment dire, il y a de telles différences entre les sondages du jour au lendemain. Puis donc, ça n'arrête pas de fluctuer. Cet été, Trump était devant, puis Hillary Clinton est repassée. Maintenant, avec son souci de santé, elle perd des points. Ben, elle va en gagner, parce que pauvre cocotte, si elle est malade, enfin quand même, on ne va pas s'acharner sur une malade, au contraire. J'aime bien quand vous m'appelez cocotte. Moi, j'aime bien. C'est la dame, la pauvre cocotte. J'aime beaucoup Hillary, je vous le dis. Oui, nous sommes avec le porte-parole, comme je le rappelle, d'Hillary Clinton. Mais en France, il y a une mauvaise utilisation des primaires, alors parce qu'elles sont faites pour maintenir les partis essoufflés sous dialyse, en fait. Oui, on peut voir ça comme ça, mais vous n'allez pas m'entraîner sur ce terrain-là. Parce que je ne pense pas que ça soit exact. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Je crois que c'est plus compliqué que ça, parce que si vous aviez un président un peu moins affaibli, il n'y aurait pas de primaire à gauche. Donc tout c'est ça est circonstanciel. Hein, Charline. C'est circonstanciel. Est-ce que vous arrivez à vous passionner pour la primaire des Verts, par exemple qui... Mais je m'en fous de la Et vous n'êtes pas le seul. Moi, je suis vert, je suis né vert. Ouais. Voyez, donc, je ne me reconnais pas tellement dans toutes ces salades. C'est vert, la salade. Oui, mais bon, non, mais un petit mot quand même. Allez-y, encore sur les sondages aux États-Unis. C'est quand même très important parce que je me dis, moi, plus Trump se porte bien dans les sondages, mieux je dors. Parce que je me dis quand même, ils ne vont pas nous faire ça. Ça va réveiller. Parce que Hillary Clinton, c'est vrai, il y a quelques difficultés d'amabilité, de likability, comme on dit. Mm-hmm. Là-bas, quoi, les gens la trouvent pas très charismatique. Donc, mais son meilleur atout à Hillary, c'est Donald, franchement. Donald est un fou dangereux pour la planète. Une espèce de Mussolini un peu déglingué. Ouais. Bah, pour l'instant, c'est le contraire. C'est Trump qui se dit elle est en train de faire le boulot pour moi. Non, mais ça va pas durer. Ça, c'est juste un petit. C'est comme s'il y avait une petite grippe, une petite pneumonie, de rien du tout. Allez, je vais prier ce soir en rentrant. On dit beaucoup c'est Trump. Mais comment ça se fait que la moitié des Américains sont susceptibles de voter pour lui? Vous qui les avez connus, les Américains. Ben, ça veut dire que c'est un. Chacun. Ouais, pas que les Américains. Mais ça veut dire que ce pays a un vrai sérieux problème idéologique. C'est-à-dire, c'est un pays qui est un peu fracassé sur le plan des idées, sur le plan du débat. Ça, c'est grave. Au moins, Trump aura servi peut-être à ça, parce que celle qui sera présidente le 8 novembre, présidente des États-Unis, elle ne pourra pas faire l'économie d'une introspection pas elle toute seule, mais avec l'ensemble du pays, et puis la meilleure façon de restaurer un minimum de débat d'idées dans un pays qui est un peu paumé, mais on n'a pas de leçons à leur donner, parce que j'ai l'impression que chez nous, quand même, Marine Le Pen, Trump, on l'a découvert il y a un an, si j'ose dire, mais Marine Le Pen et papa, et je sais pas ça qui, fait un bail. Ça fait quand même 30 ans que ça dure, la comédie, donc... Voilà, je crois que ça va sûrement servir. Enfin, il me semble que si j'étais américain, citoyen américain, que je votais là-bas, je serais très, très attaché à m'intéresser à la vie publique de mon pays. Et ben on ressortira de toute façon vos propos juste après l'élection. Hein. On va gagner. On va gagner, je le sens bien. Et surtout, on vous le souhaite parce que pour le bouquin va avoir une carrière extraordinaire. C'est un très, très beau livre. Il est tellement beau qu'il a ébloui sans doute Juliette Arnault, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, pas dès le départ. Je ne vous force pas, moi, vous savez, je ne vous force pas. Non, alors en fait, c'est quand ma chef chérie, Charline, a dit dans le bureau à voix haute, Juliette, tu vas lire un bouquin 400 pages consacré à Hillary Clinton. 450. Ça, voilà. Mais ça m'a fait comme un petit coup de moins bien. Hein, c'est vrai, au début, c'est dur. C'est comme un médicament. Voilà, j'ai pensé, là, clairement, les vacances, c'est fini. Parce que moi, en fait, comme pas mal de gens, je ne me sentais pas d'affinité particulière avec Hillary Clinton et pas même de curiosité à l'endroit de celle qui pourrait devenir, somme toute, la première femme présidente des États-Unis. En tant que femme, en tant que féministe, c'est intriguant tout de même. Oui, c'est un mystérieux. C'est voilà. Mystérieux pour moi. C'est donc une petite honte au cœur, hein, un truc qui s'apparente au remords, que j'ai attaqué la lecture de votre livre. Me voilà rassurée. C'est enthousiaste. Me voilà rassurée dès les premières pages. Son surnom, Sister Fridge, en français, sœur frigo. Hein, voilà. Quand elle était à l'école, ça. Voilà. Elle a changé. Depuis. Oui, mais moi, on m'appelait chérie à l'école. Voyez la différence. Donc, je ne suis pas la seule réfrigérée. Vous n'allez pas devenir présidente des États-Unis non plus. Oui, donc. Alors là, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Qu'est-ce qu'il en sait? Je le retire. Donc, Sister Fridge, d'autant que j'ouvre en même temps mon ordinateur ce matin, que je vois un article de Libé qui s'appelle « La rockstar Obama au secours d'Hillary Clinton ». Pauvre Sister Fridge. Je sens poindre à ce moment-là un début d'empathie. Vous le dites vous-même, elle ne génère pas un enthousiasme ravageur. Ce sont vos propres mots. Hillary Clinton, c'est pas Roosevelt, encore moins JFK et certainement pas Obama. Le premier point sensible chez cette femme, c'est, de ce que j'ai retiré de votre livre, le choix de Bill. Ce sacrifice qu'elle fait de le suivre en Arkansas. C'est de l'amour, on appelle ça de l'amour. On ne doit pas avoir la même vision des choses. C'est un synonyme. Il y a plusieurs lectures du livre, hein, n'hésitez pas. Surtout. Ne pas aller dans l'Est pour suivre la brillante carrière à laquelle elle est promise, et alors qu'elle s'est libérée, elle s'est libérée de l'influence de son républicain de père, faire tout ce travail pour finalement choisir de suivre son mari. C'est l'amour. C'est un petit peu désespérant. Hélas, trois fois hélas, Hillary Clinton part en Arkansas et... Pour aider son mari, son Bill, elle sera l'intendance. Et comme on sait, l'intendance suivra. Elle sera donc les basses œuvres, ce qu'il y a de moins glam, de moins charmant. C'est normal. C'est Bill qui est charmant. Donc, de Sister Fridge à Lady Macbeth et même Yoko Ono, puisqu'elle veut garder son nom de famille. Et oui, ça, les Américains, ils aiment pas quand une femme, elle veut garder son nom de famille. Et puis finalement, ça la reprend. Alors, elle est gouverneure, elle est secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et là... Moi, elle me reprend aussi. Deuxième point sensible, le problème Bill. 1998, la petite robe bleue tachée de la stagiaire. La stagiaire qui ressemble à rien, vous l'aurez noté. Parce que moi, ça quand même, je m'en remets pas. Et ça, c'est important de le dire, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui font des stages, mettez des robes blanches. Ça, c'est les détails, mais... Le problème avec Bill et avec votre champ lexical et le champ lexical en général des gens quand ils se mettent à parler de Bill Clinton. Sur le plan, vous dites, sur le plan affectif notamment, Bill n'a pas beaucoup progressé depuis ses années de jeunesse. Vous évoquez sa libido turbulente et les mots même de Bill Clinton, quand il sera obligé de parler de cette histoire de petite robe bleue, il évoquera la grande solitude du chef et le stress qui accompagne la fonction, comme à Castorama. Vous n'avez jamais été chef encore, vous verriez le stress qu'on a. Dans ce bâtiment, même. Oui, le stress. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait là, Hillary? Eh bien, elle choisit la position de la dignité. Never explain, never complain. Du missionnaire, pas du tout. Et ça, c'est la classe, mais c'est un peu désolant aussi. Peut-être qu'on aurait bien aimé, nous, la voir ruée dans les brancards, Hillary Clinton. Ouais, mais il y a un truc qui est très important, c'est l'amour. C'est un truc... Nous plaisantons. Je peux dire un petit mot sur l'amour, quand même, c'est ce qui nous gouverne. Elle a écrit dans ses mémoires, cette chère Hillary, quelques lignes qui sont très très belles, et c'était après toutes les humiliations qu'elle avait subies, et devant le monde entier, devant des milliards de gens. Quand vous avez une affaire, ça va pas dans le couple, il faut régler ça dans l'alcôve, chez vous. Mais là, c'était devant des milliards de gens et les caméras, donc c'est quand même, ça doit être assez dur, vous voyez. Non, mais c'est bien pour ça que... Elle a écrit quelques très jolies lignes en disant « Oui, je sais, on me demande toujours comment j'ai pu rester avec un type qui n'était pas d'une grande, grande fidélité. Mais j'ai entamé une conversation, une longue conversation avec lui depuis 45 ans. On a eu un enfant, on a enterré nos parents en même temps. On a été toujours ensemble et j'adore poursuivre cette conversation avec lui. » C'est une forme d'amour qu'on peut s'interroger là-dessus, mais je connais des formes d'amour tout aussi mystérieuses. Je suis sûr qu'on interviewe ici des gens, il y a combien ? Il y a 4000 personnes dans ce beau building, est magnifique, cette maison de radio, c'est beau comme tout. Et vous verrez qu'il y a des histoires encore plus extraordinaires que ça. Et elle lui a trouvé une excuse. Le stress, la fonction du chef. Elle a dit, Bill, c'est vrai de temps en temps, mais il est très empathique. Je vous jure, c'est une citation. Est-ce que ça marche ? Vous pouvez l'utiliser, voilà, chez vous. C'est encore mieux que le stress. Et puis l'autre problème d'Hillary, c'est la transparence. Hein. Vous le dites vous-même, hein, je vous cite, je ne connais pas Hillary Clinton, mais j'ai fouillé aussi loin que je pouvais. Moi, je le lis comme un aveu à peine camouflé d'impuissance. Mais en même temps, ça, c'est assez touchant. Parce elle a mauvais esprit, ça. C'est vrai. C'est pas le genre de la maison. Et c'est vrai qu'Hillary, elle est méfiante, elle ne s'en est jamais départie vis-à-vis de la presse. Elle a toujours refusé de s'exhiber. Bill joue du saxo, JFK prenait la lumière comme personne, Obama chante comme un rossignol. Qu'est-ce qu'elle sait faire, Hillary ? Elle sait encaisser. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant de la voir tomber, se relever. Ça fait penser à Beckett, essayer, rater encore, rater mieux. Une dernière chose, ce que j'espère pas d'ailleurs pour novembre 2017. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être obstinée dans ces choix ? Ah non, mais au contraire, non, c'est la force du boxeur, elle encaisse et elle se relève. C'est vrai, non, alors c'est tout à sa gloire. La deuxième chose que je trouve tout à sa gloire, c'est quand vous dites, c'est sa vision politique de la société qui l'amène à militer, pas son identité, pas ses croyances, pas ses aspirations. Et en ça, elle me fait penser à Simone Veil, quand elle a combattu pour l'IVG en 74, je vous embrasse. Alors qu'elle, on attend la fin de l'émission. Ouais. Alors non, que Simone Veil, profondément, était une femme plutôt conservatrice, qui avait fait des enfants, qui trouvait ça super d'enfer d'être mariée et de pas avorter. Et pour autant, elle a mené ce combat, parce que c'était sa vision politique de la société. Et c'est un petit peu l'attitude d'Hillary Clinton. Je vous félicite, c'est très bien vu. Je sais que vous en avez rien à foutre. Pas du tout. C'est pas vrai. Mais c'est très non, bien. Ça me fait très plaisir. Non, vous aurez un bon point. Julie. Yeah. Et la dernière chose que je voudrais dire à propos d'Hillary Clinton, allez-y, c'est qu'elle a marqué deux séries les plus importantes de la pop culture américaine, Les Sopranos. Ouais. Carmela Soprano parle d'elle et elle a sans doute inspiré le personnage de Claire Underwood dans House of Cards. Et ça, c'est pas de la roupie de Saint-Sonnet. Bravo. Merci Juliette Arnaud. Mais je trouve ça assez pointu, votre point de vue, et notamment citer Les Sopranos. Vous avez tous vu Les Sopranos. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un problème avec le féminisme. Et c'est moi là qui ne comprends pas trop bien, parce que je suis devenu féministe en écrivant le livre. Vous voyez, donc c'est assez récent. Tout arrive. Tout arrive, exactement. Ça fait quoi ? Et je me suis rendu compte que les femmes avaient un petit compte à régler avec Hillary Clinton. Et je me dis, ça c'est absolument formidable. Voilà une femme qui milite pour la liberté de l'avortement. L'autre, Zozo, là, avec ses cheveux oranges, il est tout à fait contre. Etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui a toujours assuré la promotion de la famille, la promotion des enfants, la promotion de la femme, de la liberté de la femme et tout. Et elle a pourtant un petit compte à régler avec les féministes parce qu'elle n'a pas envoyé péter Bill au bout de deux petites encartades. De rien du tout. On sait tous bien qu'il ne s'agit pas de deux encartades. Vous l'expliquez dans le livre. Bon, c'est pas sa faute, il était malade. Bon, voilà. Mais il est empathique, il est très empathique. Voilà, mais ça vous le dites pas, vous employez le mot. Il est malade, Non, mais bon, ça s'est tassé, vous avez vu, il s'est fait opérer du cœur. Évidemment, il ne peut plus. Il mange plus de hamburger, il est tout maigre, voilà. Et il adore sa femme. Mais il faut croire en cette histoire d'amour. Je sais que ça peut être complètement ésotérique pour pas mal de gens. Et je sais je sais, comme vous tous d'expérience, que quand on dit à madame ou à monsieur, écoute, j'ai une petite aventure avec le voisin, ça ne se passe pas tout seul. En général, ça se termine mal. Et bien, ces gens-là, c'est une espèce de force qui, moi, me Et donc, il y a la vertu de la fidélité chez Hillary Clinton. Ce n'est pas la fidélité, c'est l'importance du contrat. C'est l'importance d'avoir un enfant, c'est l'importance de ne pas foutre en l'air sa vie et celle de son gosse et celle de sa famille, parce qu'on a passé un très mauvais moment à apprendre devant des milliards de gens. Merci Père Jean-Luc pour ce fraîche. Du coup, on ne parle jamais de son programme politique. Si, je ne suis pas. Je suis pas sûre qu'il te plaise tellement. On prêtera le livre à Guillaume Meurice, le livre de Jean-Luc Hesse. Jean-Luc Hesse, vous connaissez l'émission et ça ne sert à rien de parler, parce que maintenant, je vous ai écrit le texte. Le sketch, il se passe dans 10 minutes dans le bureau de Mathieu Gallet. Il vous a dit de passer et vous y allez. Et Guillaume Meurice et Mathieu Gallet. Ah Jean-Luc, Entre, fais comme chez toi. Mais salut Mathieu, assieds-toi, fais comme chez toi. Pardon, mais tu connais les lieux? Je les reconnais pas tant que ça. Oui, parce que j'ai fait quelques aménagements. Je sais pas ce que tu avais fait sur la moquette d'ailleurs. Écoute, je suis pas astroscanien non plus. Non, ok, je te sers un whisky, il doit m'en rester un peu, même si Beck BD est passé ce matin. Très, très bon choix, Beck BD, pas seulement pour le whisky de manière générale, chez les humoristes de la matinale, excellent. Oui, enfin, on en cherche toujours. Hein. Ouais. Et par exemple, Vizorek, c'est toujours brillant. Ouais, ça se discute. Bon, alors moi, j'ai repéré un jeune d'ailleurs en télé chez Ardisson, là, Stéphane, oui, Guillon, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est pas ce qui est écrit. Ouais. Comme vous voulez. Ah, le whisky passe pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon? Non, il va te coûter cher. Je suis obligé de lire. Il va te coûter plus cher que le palissandre. Ouais, le palissandre, c'est le bois qui orne le bureau. Sinon, pour les autres radios, ça va? Je suppose que toi non plus, tu sais pas quoi faire du move. Du quoi? Le move. Jamais entendu ce truc. Et pour culture, musique et bleu. Ah oui, là j'ai une stratégie. En fait, je vais fusionner les trois. Ça va s'appeler France Musique Bleu Culture. Je fusionne les grilles. Tiens. Hein, avec des programmes sur la passion de Boulez pour la littérature bulgare en Alsace-Lorraine. Génial. Bonjour Mathieu, je vous apporte le petit café. Ah, Laurence Bloch, la directrice de France Inter. Je la connais bien. Moi aussi, je l'appelais le fichier S. Bon, Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais là? Je passais. Félicitations à France Inter, deuxième radio de France. Oui. Mettre un peu le turbo là. Non, mais plus pour longtemps, parce que j'ai une idée géniale pour passer première. Ah bon? Oui, alors comme on est numéro 1 le matin avec le 7-9, je voudrais faire le 7-23, 16 heures de Patrick Cohen. Génial. Alors là, même Philippe Val, mon ami Philippe, n'avait pas le genre d'idée. Bon, et la nuit, qu'est-ce que je fais? Je mets de Morin. Il était parti, hein, de Morin, non? Oui, mais enfin, il est revenu, tu sais, enfin, jusqu'à ce qu'il reparte, enfin, puis qu'il revienne, puis qu'il reparte. Ah, ça me donne des idées, ça. Non, non, il y a la limite. Jean-Luc S, merci d'avoir passé ce moment avec mais nous. Mais c'est moi qui vous remercie, c'est un moment très agréable, vraiment, et vous êtes marrant comme des petits. Oh. Et on doit vous remercier pour ces très jolis studios dans lesquels nous émettons. Mais oui, j'ai bossé, 50 travaux, et je me barre quand il y a des beaux studios, que je suis fou. C'est vrai, profitez-en, en tout cas, nous on en profite, j'espère les auditeurs aussi. Merci à tous les amis, je rappelle le livre de Jean-Luc S. C'est un beau livre. Avec des images dedans. Et gravures. Et à la fin, on sait si vous êtes pour ou contre Hillary Clinton. Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique, édition Baker Street. Nous étions avec Jean-Luc S, porte-parole d'Hillary Clinton, donc on est tous derrière elle, bien sûr. Merci Juliette Arnaud, merci Pablo Mira, Alex Vizorek, Guillaume Meurice, et à demain, bien sûr. On va laisser le mot de la fin, tiens, c'est pour vous Jean-Luc S, on va laisser le mot de la fin à Nicolas Sarkozy, en lui demandant comment il a trouvé l'émission. Ça, c'est la caricature de la politique. Du lundi au vendredi à 14h sur France Inter, La Tête au Carré, Mathieu Vidard, plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Demain, la perception des risques dans le domaine des sciences et des technologies. Vos questions et les réponses en direct des chercheurs. La Tête au Carré. Avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Demain sur France Inter, à partir de 14h. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais. Ok, toi tu cherches une place à droite et puis moi je regarde à gauche. Smart for Two. Garez-vous enfin là où vous allez. Smart for Two 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Radio France, partenaire des Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre. Le ministère de la Culture et de la Communication vous invite à la 33e édition des Journées européennes du patrimoine sous le thème « Patrimoine et citoyenneté ». En France, plus de 17 000 monuments vous ouvrent leurs portes les 17 et 18 septembre. À cette occasion, venez découvrir ou redécouvrir la Maison de la Radio à Paris. Concerts gratuits, jeux de piste, visites guidées, pause vinyle, cinéma sonore. Bonne visite citoyenne. Renseignements sur maisondelaradio.fr. Et hop, pile dessus, parce qu'il est 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline, on est ensemble jusqu'à 3h30 du matin, selon votre belle proposition, merci beaucoup. Et bonsoir à tous, bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce mercredi soir, 18h15, favoriser le développement, la généralisation de l'électricité en Afrique, c'est le sujet sur lequel travaille Jean-Louis Borloo depuis qu'il a quitté la vie politique française. Il est l'invité d'Un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur ce que les scientifiques appellent l'anthropocène. Nous y serions entrée avec la modernité industrielle. La Terre, notre planète évolue désormais au rythme de ce que les hommes lui infligent. C'est passionnant comme sujet. Vous le verrez tout à l'heure. Vos questions 01 45 24 7000. franceinter.fr pour le mail et Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal, Florence Paracuelos. Bonsoir. Bonsoir.